Savez-vous, Nasreddin était un homme très connu. D'ailleurs, sa réputation le précédait partout. En tout lieu, les gens parlaient de sa sagesse et de son savoir. Tout le monde voulait l'écouter parler. On lui demanda un jour de s'adresser à un groupe spécifique de personnes. Il finit par accepter. La salle était comble. Il ne restait pas une seule chaise de libre. Et chacun était impatient d'entendre ce qu'il avait à dire. Nasreddin se plaça devant le pupitre, regarda tranquillement l'assistance et demanda « Est-ce que vous savez de quoi je vais vous parler ?»« Non !» répondit l'assistance. « Non, non ? Et vous voulez que je m'adresse à un public aussi ignorant ?»« Non, vraiment, je ne peux pas. » Et il s'en alla. Les organisateurs le suivirent rapidement et essayèrent de le faire changer d'avis. Les gens étaient venus de loin, rien que pour l'écouter. Finalement, il retourna dans la salle et à nouveau il observa l'audience. Et à nouveau il leur demanda « Savez-vous de quoi je vais vous parler ?» Cette fois, les gens avaient compris la leçon. Ils n'allaient pas se faire avoir une seconde fois. Comme d'une seule voix, ils crièrent « Oui, oui !»« Bon, dans ce cas, je n'ai pas besoin de vous dire de quoi que ce soit d'autre. » D'un pas déterminé, Nasreddin quitta la salle. Le public était furieux. À nouveau, les organisateurs essayèrent de le convaincre de retourner encore une fois dans la salle et de faire son discours. Pendant ce temps, des personnes dans le public avaient décidé de se consulter pour savoir quoi répondre au cas où il leur poserait à nouveau la question. Quand il entra à nouveau et qu'il posa sa question, « Est-ce que vous savez de quoi je vais vous parler ?» La moitié du public répondit « Oui » et l'autre moitié répondit « Non ». Satisfait, Nasreddin regarda l'assistance et le visage souriant leur dit « Très bien. Dans ce cas, que ceux qui savent le racontent à ceux qui ne savent pas.